Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. C'est un chapitre un petit peu tranchant, on va dire, avec des règles que Dieu donne. Mais il faut se mettre dans le contexte. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, on va faire une petite introduction, on va parler du contexte. Pourquoi Dieu a donné la loi? Donc là, ceux qui prennent des notes, je suis en train de vous donner vos petits cues, là. Pourquoi la loi? On va parler précisément des 10 commandements, puis c'est quoi le pont entre les 10 commandements dans le chapitre qu'on vient de lire versus dans le Nouveau Testament. Est-ce que ça l'a changé? Comment s'approcher de Dieu? C'est la deuxième partie du texte qu'on a. Puis, deux applications qu'on peut faire, on peut en faire des tonnes d'applications. Il faut comprendre aussi que ce qu'on regarde, là, ce chapitre-là, Exode 20, c'est la base des 14 prochains chapitres quand Dieu va donner des lois qui concernent la société ou les rituels. Tout se tient ensemble. D'accord? Donc, la loi là, que Moïse nous a donnée, que Dieu a donnée à travers de Moïse, c'est à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'était pas les seuls qui avaient des lois. Fait que, exemple, les jeunes y apprennent ça au secondaire, là, le code d'Hammurabi, c'est un texte qui est donné comme exemple. Puis vous voyez là, la stèle qui est ici, le code d'Hammurabi est écrit dessus dans la langue de l'époque. Mais les lois que les hommes donnent ici, c'est des lois qui concernent la justice. Comment on va gérer la cité-État, comment on va gérer un royaume, etc. C'est des lois qui disent quoi faire, quoi pas faire, mais c'est vraiment, ça vient du roi ou de son organisation, puis c'est vraiment pour mettre de l'ordre social. Tandis que la loi qui est donnée à Moïse, ici, là, ça, c'est, on commence la loi. Les 10 commandements, là, c'est le début. Tout ce qui va se dire après s'appuie sur les 10 commandements. Ne contredit pas, clarifie ou vise à faire valoir. Okay? Fait que, mais c'est convaincre les Israélites de leur péché. On est dans Exode 20. Là. Ce matin, on parlait de Genèse chapitre 3. Où est-ce que le péché a eu lieu? Après qu'ils sont expulsés du jardin, là, ils vont se multiplier. Mais le péché est incarné. Et ça va être le désordre. Et quand ils sortent d'Égypte, là, je prends un petit peu d'avance mes affaires, mais quand ils vont sortir d'Égypte, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils se plaignaient de leur misère. Mais la solution qu'ils préconisaient, ce n'est pas celle-là qui est arrivée. Parce qu'on lit dans Galates que les Égyptiens ont chassé les Juifs parce que ça va faire là, les malheurs. Ça va faire, là. Allez-vous-en, prenez tout ce que vous voulez, sacrez votre camp. C'est ça l'idée. Les autres, ils partent, là, mais ils sont expulsés. Là, c'est Moïse. Là. Moïse est coupable. Moïse, c'est lui qui a amené le trouble. Fait que là, Moïse doit faire face à eux autres. Et Moïse va avoir de la difficulté. Mais finalement, Dieu va les asseoir. OK? Fait que la loi qui est ici, c'est pour convaincre les Israélites de leur péché. Puis comment? C'est en mettant les lois que Dieu donne, ils ne seront pas capables de les faire. Et là, ça va leur mettre d'en face qu'ils sont rebelles à Dieu, désobéissants, incapables par eux-mêmes de faire ce que Dieu demande. Puis en même temps, la loi condamne toute l'humanité, pas juste Israël. Là. Il y a un seul Dieu qui veut être reconnu comme Dieu, le seul vrai Dieu vivant qui veut qu'on l'écoute. Et parce qu'on ne l'écoute pas, on est rebelle et condamné. C'est beau? Et si on l'écoute, ça change quelque chose. Alors, là, normalement, on a une petite phrase punch, hein, tu sais, genre, aujourd'hui, là, ce que je veux, c'est ça. Mais là, j'ai trouvé ça difficile à faire. Fait que j'ai mis en deux morceaux. Pour celui qui croit en Dieu, ben, demeure ferme. La référence est Galates 5:1. Demeurez ferme. On est libre en Jésus-Christ, mais on est exhorté à demeurer ferme dans notre soumission à Dieu. OK? Puis ceux qui ne sont pas sauvés, qui se posent la question encore, ben, l'exhortation, c'est croire au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça qu'il nous a dit dans plusieurs passages. Mais c'est vraiment que je cherche Jésus, que je crois. J'arrive à un moment donné à dire, OK, c'est beau, je concède, prends ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais prends-la. Donc, pour celui qui ne croit pas, il faut en arriver à décider de marcher avec lui. Puis pour ceux qui croient, ben oubliez pas d'où vous venez, oubliez pas le prix qui a été payé, puis demeurez ferme dans la foi. Alors, on est où, là, dans notre texte? On est troisième mois, troisième jour. Et là, Moïse, il monte sur la montagne et il va recevoir les tables. Pendant qu'il est en haut, il se passe des choses en bas. Mais ça va revenir dans les chapitres qui suivent. Et on est au pied du mont Sinaï, à la même place où, quand Moïse était chez les Madianites et qu'il s'occupait de ses moutons, il est monté sur la montagne et il y a eu le buisson ardent. Là, on est au pied de la même montagne. Okay? Fait que Dieu l'a pris de là, il l'a envoyé en Égypte chercher le peuple, puis il ramène le peuple là. Ça, c'est sa montagne, la montagne sainte. Les Juifs ont, ou, c'est-à-dire Israël, a passé 400 ans en Égypte avec les dieux d'Égypte. Ils sont habitués aux dieux d'Égypte. Ils ont intégré dans leur vie. On va le voir avec la veau d'or, là. C'est un des dieux d'Égypte qui vont, parce que Moïse prend du temps à revenir, ils vont se faire un veau d'or. Okay, fait qu'ils ont passé 400 ans avec les dieux d'Égypte. Puis Dieu, leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, là, ça fait 400 ans qu'on dirait qu'ils n'en ont pas parlé. Mais là, Moïse arrive avec Dieu. Puis il va demander à Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il demande à Dieu, mais c'est quoi ton nom? Parce qu'ils vont me demander, c'est quoi ton nom? Bien, parce qu'en Égypte, là, il y a plein de dieux avec des noms. Fait que toi, t'es qui? T'es un nouveau Dieu? Comment je vais te dire comment tu t'appelles? Mais l'Éternel va tranquillement les amener à comprendre qu'il n'y en a pas d'autre Dieu, c'est juste lui. Fait qu'ils ont été 400 ans aussi sous la domination égyptienne. Puis Dieu les a libérés de l'esclavage. OK? Fait qu'ils sont chassés. Ils ne comprennent pas c'est qui l'Éternel. Là, ils sont au pied de la montagne. Ils n'ont pas eu le choix d'arriver là. Puis Dieu va donner ses règles. Mais encore là, c'est important de comprendre que les autres nations, là, même Israël va faire ça, David va faire ça, Salomon va faire ça. C'est que quand un pays prend un autre pays sous sa protection, il lui donne ses règles. Je vais te protéger, je vais prendre soin de toi, je vais empêcher les armées ennemies de t'attaquer, mais en échange, tu vas m'honorer. Tu vas respecter mes règles, puis tu vas me payer un tribut, des impôts. Comme ça, moi, j'ai du monde qui te protège, ben tu me rembourses en me payant, mais tu fais aussi ce que je dis. OK? Fait que Dieu, lui, là, c'est pas ça qu'il va faire. Il est le roi, il est l'Éternel, il va donner des règles, mais c'est pas des règles comme on vient de voir, dans le sens de les contrôler au jour, dans tous les petits détails. Oui, ici, il va y avoir des choses très, très précises pour le peuple d'Israël, mais c'est pour leur montrer la sainteté de Dieu puis qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes de faire ce que Dieu demande. Puis on ne l'est toujours pas en passant. Hein? On ne l'est toujours pas. On est saint parce qu'il nous voit saint, parce que quelqu'un a payé pour nous. Sinon, là, on n'est pas différent. Alors, pourquoi la loi? Ben, Dieu établit son autorité. Il dit au début du texte, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Je ne t'ai pas demandé si tu es d'accord. Je te le déclare. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude d'où tu étais. Dans Deutéronome, par rapport au même moment, là, dans Deutéronome, il revient. Moïse revient sur ce qui s'est passé. Il dit, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Tu ne voulais pas sortir, mais t'es sorti. C'est moi qui t'ai fait sortir. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer ici le jour du repos, mais toutes les autres affaires. C'est moi l'Éternel, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. Ce que je veux, c'est vous amener à me craindre, moi, puis à faire ce que moi, je veux vous faire. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça vous, c'est comment ça, 1000 générations? Bien, si une génération, c'est 40 ans. 1000 générations, c'est 40 000 ans. La terre n'a pas 40 000 ans. Ça veut dire que le pardon de Dieu, là, si on le transpose, là, il est éternel. Quand Dieu fait miséricorde, il fait miséricorde. La promesse qu'il a faite à Abraham, il ne va jamais la reprendre. La promesse qu'il a faite à Isaac, il ne va jamais la reprendre. La promesse qu'il a faite à Jacob, slash Israël, il ne va jamais la reprendre. La promesse que Jésus nous a faite, il ne va jamais la reprendre. C'est ça que ça veut dire. Mais si on reste égaré de lui, notre misère, on la transpose à nos enfants, qui vont la transposer à leurs enfants, qui vont la transposer à leurs enfants. Dans le livre qu'on est en train de regarder, moi, je vais introduire la Décalogue ce matin. Mais après ça, il y a le livre de l'Alliance. Il y a trois chapitres qui parlent des prescriptions de comment se comporter entre nous, dans la société, etc. Puis après ça, les autres chapitres, ça va toucher à tout le sacerdoce, là, les prêtres, comment ça va se passer, les sacrifices, toutes ces choses-là. Fait que, mais la base, c'est la Décalogue, ce qu'on est en train de regarder. Alors, c'est quoi la Décalogue? Les premiers, il y a deux blocs. Il y a quatre versets qui nous parlent de la relation d'Israël avec Dieu, puis six versets qui nous parlent de notre relation entre nous, communauté, le peuple d'Israël entre eux autres, qui est comment ils vont se comporter. Fait que par rapport à Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a qu'un seul Dieu. S'il vous plaît, ne m'insultez pas avec les dieux d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Veau d'or. Puis il y en a plusieurs qui vont mourir. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas qu'à la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. L'univers est dans la main de l'Éternel. Comment on peut faire une représentation de Dieu? Dès qu'on prend quelque chose pour s'imaginer Dieu, c'est comme si on prenait le contrôle de Dieu. C'est comme si on le définissait. On ne peut pas le définir. Il ne veut pas qu'on fasse des images de lui. Dieu est esprit, c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dieu est esprit, puis c'est un esprit qui veut être adoré, dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit, c'est un esprit qui veut être adoré. Pas des images. Il veut qu'on lui parle comme une personne. Alors, il leur dit ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre son nom en vain, c'est de l'utiliser comme témoin dans mes transactions. C'est comme de m'appuyer, de dire son nom pour appuyer ce que moi je suis en train de dire. C'est ça, prendre son nom en vain. Si j'ai peur, j'ai une situation, puis je dis, oh mon Dieu, c'est pas la même chose. Si quelqu'un va dire, là, tu utilises le nom de Dieu en vain. Bon, on pourrait débattre le sujet. Mais si tu utilises le nom de Dieu pour appuyer ce que toi tu dis, ça va pas. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pas juste une personne, là. Tout le peuple. Tout le peuple, arrête. Tu as 6 jours pour faire ton travail. Quand on va regarder par rapport aux cultures, il va dire... Vous cultivez la terre pendant 6 ans, la 7e année, vous la laissez reposer. Même la terre a besoin du jour de repos. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. L'Éternel a tout fait ça. Comment tu peux faire une image de Dieu? Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans Deutéronome, encore là, je vais y retourner, il récite exactement toutes les règles, toutes les lois, mais à place de dire, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Dans la première partie en haut, qui est notre texte à nous, Exode 20, quand il donne le jour du repos, il fait allusion à lui. Lui, le jour du repos. Pourquoi lui? Lui, l'Éternel, a béni ce jour-là parce que c'est le jour où il a terminé. Mais pour nous, c'est pour se rappeler qu'on était esclaves du péché, puis que maintenant, par lui, on en a été libérés. Et c'est là maintenant, c'est un ordre de respecter son jour du repos. Est-ce que vous me suivez? Bon, ça, c'est pour Israël, c'est le sabbat. Donc, les autres, c'était le dernier jour de la semaine, le samedi. Bon, nous, est-ce que dans le Nouveau Testament, on a cette journée-là? Bon, on peut avoir des débats, là. Est-ce que quand Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité, c'était la fin de la Pâque juive? Pour nous, là, c'est fini. Parce que l'agneau a été immolé. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de sacrifice. Hébreu 10, je pense, je ne sais plus, mais Hébreu nous dit que il a fait le sacrifice une fois pour toutes. C'est fini. Ah, plus de sacrifice. OK? Alors, j'ai perdu mon idée. Ah, c'est pas grave. L'idée ici, c'est qu'on va faire ce que Dieu nous demande. Le jour du repos, ah oui, là, je le retrouve, là, c'est que le premier jour de la semaine, maintenant, la pratique qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est le jour de la résurrection de Christ. OK? Fait que, mais Christ est ressuscité, puis la Pâque a été accomplie. Pour nous, là, ça devrait être le jour de repos tous les jours, spirituellement parlant. Christ est mort, il est ressuscité, j'ai la vie éternelle, j'ai accès au trône de Dieu n'importe quand, tout le temps. Dieu soupire de nous voir arriver, lui parler tous les jours. Mais en même temps, on a besoin de décrocher de la société puis de se retrouver ensemble en famille, famille spirituelle. Fait que l'exhortation, c'est vraiment de... Tu sais, quand on a commencé les églises maison, on s'est dit... Qu'est-ce qui est le plus important, le dimanche matin ou l'église maison dans la semaine, peu importe quel jour? Ben, je dirais que les deux. Mais si tu as à choisir, hein, pour moi, l'église maison, c'est fondamental parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on peut se retrouver puis échanger vraiment personnellement. Mais le culte le dimanche matin, c'est l'endroit où on peut tous ensemble louer Dieu puis approfondir ensemble les Écritures. Fait que, il y a comme deux choses là. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de loi dans le Nouveau Testament par rapport à un jour spécifique dans la semaine. Mais je pense qu'il y a un principe de base de se retrouver régulièrement ensemble, décrocher de la société pour s'encourager mutuellement dans la foi. OK? Puis, l'habitude génère beaucoup de choses. Quand on n'est pas assidu, quand on se promène d'une affaire à l'autre, une fois je suis là, une fois je suis là, ça ne développe pas le lien qu'on a besoin relationnel. Tandis que quand on est régulier ensemble, il y a un lien, il y a quelque chose qui se passe qui nous fait du bien. Donc ici, là, c'est ça le principe. Okay. Fait que dans le Nouveau Testament, un des scribes, ça c'est dans Matthieu 12, qui avait entendu Jésus jaser, discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approche puis lui demande, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond, voici, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça résume les quatre versets qu'il y a là. Jésus en donne deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mon titre, là, ça dit les 10 commandements, puis j'ai mis deux entre parenthèses, parce qu'il se résume à deux. Le premier, c'est d'aimer Dieu. De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça veut dire, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu prends le temps de t'informer, tu prends le temps de lire, de comprendre, d'y parler, d'essayer de savoir comment il pense, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. C'est ça que ça veut dire. La deuxième partie, c'est la relation sociale à l'intérieur de la communauté. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer la famille. Les parents, là, ils ont eu des parents qui avaient des parents. Est-ce que vous me suivez? Ils ont entendu parler d'eux, ils ont vécu, ils ont fait des erreurs, je vous assure, ils ont fait des erreurs, ils vont encore en faire, c'est sûr. On espère qu'on en fait de moins en moins, puis au minimum, pas les mêmes. Mais des erreurs, ils ont appris quelque chose par rapport à Dieu, ils veulent votre bien, OK? Si mes parents étaient encore vivants aujourd'hui, j'irais les voir, je leur parlerais, je leur ai parlé jusqu'à la fin, okay? Tant que je pouvais leur parler. Puis là, j'étais avec mes enfants, puis mes petits-enfants, puis je vais leur parler, même si des fois, ils n'ont pas envie de m'entendre parler. Je leur parle pareil. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, respecter la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Hey, on pourrait-tu élaborer là-dessus là, aujourd'hui? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Honorez le mariage. Le mariage est à l'image de Christ et l'Église. Le mariage est à l'image de Dieu et son peuple Israël, Dieu et sa création. Tu voleras pas, tu ne déroberas point. Respecte ton voisin. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on dérobe? On convoite. On est jaloux. On veut plus que qu'est-ce qu'on a. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Respecte la personne de l'autre. Le proverbe populaire, c'est « Faites pas aux autres ce que vous voulez pas que les autres vous fassent. » Avez-vous déjà entendu ça? Mais la Bible dit « Fais aux autres ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. » Ça, c'est différent. Il y en a un qui fait qu'on ne fait plus rien avec les autres parce qu'on ne veut pas les offenser. L'autre dit « Non, non, fais quelque chose. » Si toi, tu es dans l'erreur, bon, peut-être que vous n'aimez pas ça, là, mais il me semble qu'on apprécie le fait que quelqu'un vienne nous avertir des dangers puis qui nous pointe nos difficultés pour qu'on puisse les adresser. Bien, si c'est vrai, bien, si je vais te voir, c'est pas dans le but de t'écraser, c'est dans le but de t'aider. Fait que, pas de faux témoignages, prendre soin de mon prochain, respecter mon prochain. Ne pas convoiter la maison de mon prochain, convoiter sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, son auto, son skidou, son n'importe quoi. Là. Ne pas convoiter rien de l'autre. Parce que convoiter veut dire je ne suis pas satisfait. Dieu ne pourvoit pas pleinement à mes besoins. Comme si je savais c'est quoi mes besoins. Lui il prend soin. Fait que c'est ça, c'est le. Ces six commandements-là touchent la deuxième partie. Parce que Jésus, il dit, après avoir dit la première chose, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, il dit, voici le second. Parce que l'autre, il avait posé la question, c'est quoi le premier commandement? Et je vais te donner le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il y en a deux commandements. Les 10 commandements se résument en deux. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Compliqué, hein? Jean 13, 34, 35. Vous connaissez? Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est les 10 commandements. Dans Romains 13, il est écrit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En fait, si on s'aime les uns les autres, je n'ai pas besoin de te citer les six lois qu'il y a là. C'est inclus. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. 1 Corinthiens 13. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'ai oublié dans Jean 13, 34, il commence par dire, je vous donne un commandement nouveau. Il va plus loin que ces 6 lois-là. Alors, comment s'approcher de Dieu? Ça va jusque-là? Le peuple craint la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant, il l'entend, il est tout-puissant. Là. J'ai oublié le passage chrétien là, où, dans Hébreux où il dit... de prendre garde à Dieu, parce que le peuple d'Israël, là, ils ont péché devant lui, et il se dit qu'il est comme un feu dévorant, Dieu. Eux, là, ils voient sur la montagne du feu. Ils voient de la fumée. Ils entendent une voix, là, c'est comme le tonnerre et les éclairs. C'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'ils ont peur. Puis ils vont dire à Moïse, « Hey, tu pourrais-tu, comme, va parler à Dieu tout seul, puis viens nous dire ce qu'il a dit, là, on va te croire. » Mais quand il parle, là, c'est terrifiant. C'est juste pour montrer la sainteté de Dieu. Tout le peuple entendait ça. Il voyait les flammes. Il tremblait. Il restait à distance. Il ne voulait pas s'approcher de lui parce que c'était terrifiant. Ils sont pécheurs. Dieu est le péché. Vous voyez, il dit, Soyez pas effrayés. Alors, en fait, nous, là, quand on a Jésus dans notre vie, là, on n'a pas été effrayés. Au contraire, on peut s'approcher avec audace, assurance, devant Dieu, lui parler. Mais ça ne veut pas dire que je peux lui parler n'importe comment. Dieu est Dieu. Mais il dit ici, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, parce que vous ne le connaissez pas. Mais vous allez apprendre à le connaître, afin que vous ne péchiez point. D'après vous, ils vont-tu réussir? Non, ils ne vont pas y arriver. Mais ils vont. Dieu, l'idée, c'est qu'ils finissent par saisir qu'ils sont pécheurs. Et Dieu ne peut être contenu. C'est intéressant parce qu'il va répéter, « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Moïse est sur la montagne en train de recevoir les tables, les 10 commandements. Ce qu'on est en train de dire, il est en train de les recevoir. Puis Dieu dit ça à Moïse, puis il faudra qu'il le dise au peuple. Là. Puis en descendant, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Du bruit, c'est la grosse fête. Ils ont fait quoi? Un veau d'or. Fait que, pourquoi Moïse se fâche? Dieu vient de lui dire, il est dans la présence de Dieu. Puis eux autres en bas, ils ont peur. Ils sont en bas de la montagne, ils ont peur, ils entendent ça. Puis ils font la fête. Alors Moïse, il va se fâcher. On va voir ce qu'il va... Bien, Dieu va se fâcher aussi. On va voir comment ça arrive dans les prochains chapitres. Mais le peuple craint la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant, Dieu est le péché, ils le savent. Mais ils ne sont pas capables de s'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'air. Fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leur statuette, leurs affaires qu'il y avait en Égypte. Et là, plus loin, Dieu va dire, tu vas m'élever un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Imaginez ce que vous avez déjà vu, la tour de Babel, on ne l'a pas vue. Mais les pyramides d'Égypte, vous avez vu? Les pyramides des Mayas, les Incas. Bien, il n'y a pas juste les Mayas, les Incas. En Indonésie, j'ai regardé un reportage, là, documentaire, il n'y a pas tellement longtemps, ils ont trouvé des ruines. Ils trouvent, de plus en plus, avec les technologies, ils trouvent des ruines un peu partout. Des temples, là, il y en a partout. C'est tous des temples élevés avec des marches. Puis tout se passe en haut de l'escalier. C'est comme on met toute notre gloire dans la structure qu'on bâtit en s'imaginant s'approcher de Dieu en faisant ça. Okay? Alors lui, il dit, Dieu, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai. Ils vont faire des autels un peu partout. À chaque fois qu'il y a un événement important, ils vont faire un autel. Mais ce n'est pas une affaire élevée. Puis en plus, là, ils n'ont pas le droit de tailler les pierres. Pourquoi? Orgueil de l'homme. Pas d'orgueil. Tu vas prendre de la terre, vous pouvez prendre des roches que sur le terrain, là, mais il faut que ça reste au ras du sol. Vous allez faire votre sacrifice là-dessus. C'est pas l'autel. C'est moi. Vous ne pouvez pas me contenir, vous ne pouvez pas faire une statue de moi. Ce n'est pas votre belle structure que vous allez faire. Même Salomon va dire ça quand il construit le temple. Hey, le temple ne peut pas te contenir. Mais ça va être une maison de prière. Okay? Bon, ici, là, Dieu dit, il leur dit, il faut que ça soit pas élevé. Puis, tu vas pas, il dit, tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés. Ça, c'est les marches pour aller en haut. Je ne sais pas si vous avez visité, mais... Chichen Itza, là, au Mexique, là, la pyramide qui est là, les marches sont tellement pas larges. C'est fait pour obliger le sacrificateur de monter de côté pour avoir une certaine humilité devant le Dieu. Mais lui, Dieu, il dit, non, mais on n'a rien à faire de ça. Mais en même temps, c'est pour protéger la nudité du sacrificateur. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé à Noé après qu'ils sont sortis de l'arche? Noé, écoute, avant le déluge, là, il en savait des affaires. Parce que Noé, là, il avait une coupe de bouteille de vin. Puis il les a bu. Ouais, c'est enivré. Puis là, il était dans sa tente, puis un de ses fils est rentré. Cham. Cham, Cham, Cham, Cham. Lui, il est rentré, hein? Puis il a vu la nudité de son père. Il est sorti, puis il est allé dire ça à ses deux frères. Les deux frères, eux, ont pris un drap, ils sont rentrés à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Puis ils l'ont habillé, pour ça, ils l'ont couché. Qu'est-ce qui est arrivé à Cham? Cham, sa descendance, c'est Canaan. Le pays de Canaan va être donné à la descendance d'Abraham. Ça, c'est la punition de Cham pour avoir regardé la nudité de son père. Alors, ici, là, on ne va pas demander au sacrificateur d'aller s'exposer. Je ne sais pas quelle sorte de linge qu'il portait à l'époque, là, mais il y avait un danger. Alors, Dieu, il est humble, il est bienveillant, puis en même temps, toute sa pensée, elle est sainte. Okay? Tout le temps, tous les détails, c'est la sainteté de Dieu qui est en cause. Alors, j'ai mis comme image là, les pyramides, etc. Là, c'est impressionnant que, bien que les continents soient dispersés, puis à l'époque, on pensait que les tribus sont à gauche, à droite, ou les nations sont à gauche, à droite, mais il y a une pensée commune là, qui vient de la tour de Babel. Toutes les temples qu'on peut s'imaginer là, qui viennent toutes de la pensée de la tour de Babel. OK, application. La première que je vais vous emmener, c'est dans Deutéronome 6. Dieu, au travers de Moïse, va dire à son peuple, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. » Ils ont tout, là. Ils ont le décalogue, ils ont les lois sur la vie de société, puis ils ont toutes les lois sur le sacerdoce. Ils ont tout ça. A commandé, comme Jésus, il dit à Matthieu 28, hein, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Ici, il dit, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Hey, on est juste 4 mois, là. Ben là, ici, Deutéronome, on est à la fin. Mais quand il a donné les lois, on était juste au début du 40 ans. Afin que vous les mettiez en pratique, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Si tu ne les mets pas en pratique, ça dit que tu ne crains pas Dieu. Si tu les mets en pratique, tu vas en arriver à craindre l'Éternel, ton Dieu. Comment? En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Alors, j'ai le droit de parler à mes petits-enfants. C'est la responsabilité que tu le fasses. Toi, tous les jours de ta vie, ton fils, le fils de ton fils. Toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient... Tu veux la bénédiction de l'Éternel? Mets en pratique ce que l'Éternel dit. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Tu auras soin, ça veut dire que tu veux comprendre, puis tu vas faire ce qu'il dit. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et eux ne s'en rappelaient pas parce qu'ils ont passé 400 ans en Égypte. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Comment? Tu vas en parler quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est-tu important? Mais on est-tu fatigant quand on fait ça? Pour les enfants, je parle. Mais c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on le répète, qu'on insiste, qu'on ne déroge pas. Alors, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6, versets 1 à 3, il parle aux enfants. Enfants! Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. 5e commandement. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Voyez-vous le lien entre les deux textes? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, il y a des gens qui vivent 100 ans, mais quand ils meurent, c'est fini. Il y a des gens qui vivent 50 ans, mais quand ils meurent, leurs enfants se rappellent de ce qu'ils ont reçu. Et ils vont l'enseigner à leurs enfants. Paul n'a jamais eu d'enfants, mais il y a eu Timothée, Tite, Tichic, je ne sais pas qui, qui ont perpétué les enseignements qu'ils ont reçus de Paul. Et ils les ont transmis à des gens qui les ont transmis à des gens qui les ont transmis à des gens qui nous les ont transmis. Alors, même s'il est physiquement mort, il est toujours là. Même s'il est physiquement mort, il est toujours là. Ça va? Ça, c'est la première application. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on voyait de l'autre bord, là. Ce que Adam n'a pas fait avec Ève. Ce que Ève ne savait pas qu'elle aurait dû savoir. Mais nous, on le sait. On ne peut pas banaliser la parole de Dieu. On ne trafique pas la parole de Dieu. On ne dit pas « moi, je pense, moi, je crois ». Voici ce que Dieu dit. C'est ça qu'il dit. Tu veux que je fasse? Tu sais, on a un désaccord sur quelque chose. Combien de fois c'est arrivé avec moi et Dani? On a un désaccord. OK, que, regarde ce que Dieu dit. OK, fait que là, maintenant, là, tu peux être fâché ou avoir peur ou craindre je ne sais pas quoi. Là, tu sais, puis tu as raison d'une certaine manière. Là, mais de l'autre côté, là, c'est ça que Dieu dit. Fait que c'est qui est là dans notre couple? Là? C'est qui va rendre compte à Dieu de la décision qui va être prise ici? C'est toi. Bien, c'est elle qui me dit ça, c'est toi. OK, bien parfait. Je peux-tu choisir l'argumentation avec laquelle je vais être obligé de me défendre devant Dieu? Moi, je vais prendre celle-là, comme je la comprends. Sais-tu quoi? Si je me trompe, là, mettons que j'ai mal interprété, bien, le Seigneur va nous le montrer, puis la prochaine fois, là, on va savoir mieux. Mais si je ne fais pas ça, je suis déjà partant dans l'erreur. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que la parole de Dieu a la première place, parce que c'est ça que Dieu veut. La deuxième application, c'est juste pour qu'on saisisse que la loi, là, elle servait à quoi? Dans Romains 7, il y a un combat. Je vous encourage les jeunes à aller le lire. Ça va carrément avec ce qu'on a vu ce matin. Il y a un combat dans la chair. La chair, elle est vouée au péché et elle va mourir. À moins que le Seigneur revienne bientôt, là, avant que je meure. Ça, c'est ma prière. Ça, ça fait longtemps. Hein? Puis si je meurs dans cette chair, je sais, comme Job, qu'un jour, je vais ressusciter puis je vais voir mon rédempteur face à face. Mais ma chair, elle ne veut rien savoir. Elle veut juste être satisfaite. Il y a un combat. Ma chair veut ça. Ma volonté, l'Esprit de Dieu me dit ça. Puis souvent, on va faire la chose qu'on ne veut pas faire, sachant très bien que ça déplaît à Dieu, mais c'est plus fort que nous, jusqu'à temps que quelque part, on en arrive à avoir la victoire sur la chose. Ce n'est pas le jour qu'on vient au Seigneur qu'on a la victoire sur tout. On l'a, mais on ne l'apprend pas. Quand le péché est entré. Quand Dieu a créé Adam, je vais aller avec le point de conversation que j'ai eue avec Alexandra. Quand on est au jardin, Genèse 1 et 2, Dieu nous a donné le libre arbitre. On peut faire n'importe quoi. Dieu veut voir comment on va agir. Mais quand le péché est entré, le libre arbitre est poigné dans le péché. Tu as le libre arbitre, mais tu n'es pas libre de faire ce que Dieu veut. Parce que le péché t'en empêche. Ça, c'est Romains chapitre 7. OK? Fait que je suis pris avec ça. Mais j'ai la victoire si je confesse ma misère à Dieu par rapport à la chose qui me donne la misère, puis Dieu va me donner la victoire dans cette chose-là. Puis ensuite, il va en avoir une autre, ensuite, il va en avoir une autre. J'ai la victoire, mais il faut que j'aille la chercher. Fait que quand je viens au Seigneur, je retourne au libre arbitre parce que je ne suis plus esclave du péché. Mais il ne me lâche pas, lui. Fait qu'il faut que je me batte avec. Mais je ne me bats pas. C'est Dieu qui me. Quand je me bats, je perds. Quand je dis à Dieu, gars, je ne suis plus capable, là, fais quelque chose, là, il fait. J'ai la victoire quand j'y laisse la victoire. OK, fait, donc là, il dit, la loi, donc, est sainte. Pourquoi? Parce qu'elle met en évidence le péché. Puis je ne suis pas capable de le faire. Fait, la loi est super bonne. Le commandement est saint, juste et bon. C'est pour ça qu'il nous est donné. Dans Romains 8, il dit, maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Christ a pris notre misère sur lui, nos péchés, il a pris sur lui. Puis bien qu'on est encore dans la chair, puis qu'on a encore des échecs dans la chair, spirituellement, on est déjà pardonné. Fait que quand vous recevez des accusations dans votre conscience par rapport à quelque chose, bien la question c'est, l'as-tu réglé avec Dieu? Si tu l'as réglé avec Dieu, ou avec un frère ou une sœur, peu importe quoi, puis avec Dieu en même temps, bien c'est réglé. C'est pardonner. Si tu as un péché dans ta vie, tu le confesses. 1 Jean 1:9, hein? On est le Seigneur là, il est juste et fidèle. Pourquoi? Pour nous purifier de toute iniquité. Il nous pardonne le péché puis il nous purifie de toute iniquité. Fait que il y en a plus de condamnation. Mais moi, je peux me sentir coupable. Si je me sens coupable après que j'ai demandé pardon, ben c'est parce que c'est moi là, qui manque de foi, je manque de confiance. C'est moi qui ne m'accroche pas à ce que Dieu a dit. Je m'accroche aux promesses de Dieu. Il n'y en a plus de condamnation. Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus obligé de concéder à ma chair. Puis le combat que j'ai dans Romains 7, Dieu veut que j'aie la victoire. Fait qu'il va me la donner. Mais il faut que je réalise que j'ai de la difficulté. Je vais à lui pour qu'il m'enlève la difficulté. Et Galates 3, 24, 26 dit, « La loi a été comme un pédagogue. La loi enseignait à Israël qu'ils étaient pécheurs, puis qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'il y avait du sang qu'ils devaient verser, puis ce sang-là, c'est le Messie qui va venir. Puis quand il va venir, il va régler la chose une fois pour toutes. Il est venu. Eux, ils ont cru sans avoir vu Jésus, puis nous, on croit sans avoir vu Jésus. Tous ceux qui ont cru dans la venue de Jésus avant ou après, qui ont mis leur espérance là-dedans, ils ont mis leur confiance en Dieu, sont sauvés. On n'est pas sous la condamnation. Ça, c'est la loi est là pour ça, pour nous le montrer. Puis le péché est en nous, dans notre chair, pour qu'on le réalise. Fait qu'il y a un combat entre la loi et le péché, puis ma conscience, l'Esprit de Dieu qui est en moi. Fait qu'à qui je vais donner la priorité? Au raisonnement humain, à mes amis ou à la parole de Dieu? Quand tu demande conseil dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur la chose? As-tu une référence quelque part? Y a-tu une place où il parle de ça? Je pourrais voir vraiment la pensée de Dieu. Okay? Puis là, on peut jaser avec la parole de Dieu. Mais tout le reste, là, c'est de l'humanisme, de la psychologie. OK? Il n'y a aucune maladie hein, dans la Bible, le TDAH, TPL, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas là, hein? C'est pas écrit. Aujourd'hui, on met des noms sur les difficultés. Puis là, on ne dit pas de ta faute parce que tu as ça. Non, non. C'est ma chair qui a de la misère. Va au Seigneur, puis il va t'aider. Alors, je reviens avec, pour celui qui croit, demeurez ferme dans la parole de Dieu. Puis pour celui qui cherche, va vers Jésus. C'est le seul moyen de sortir de notre misère de pécheur. Amen. Que Dieu vous bénisse.